FS, cousin. Wesh, t'as des... Charles 9, Mini. Taxi 5. Charles 9, Mini. Alors comme ça, tu portes tes couilles, nous, on va te montrer qui nous sommes. On est rentré dans le rap, gros, maintenant, tu vois qui nous sort. Avant, il veut la guerre, t'inquiète, j'ai gardé connaissance. J'ai dit à ça, dès que le sang, il m'a dit qu'on se croit le sens. Je te fais le bisou, ma belle, ce soir, je ne peux pas rentrer. Je m'occupe de mes ennemis, si tout se passe bien, je reviens à l'op. J'ai de l'argent à faire, en l'air, on va les monter. Je reviendrai avec un Porsche, si tout se passe mal, je reviens en l'op. RG m'a dit, fais leur du sale, mon ami. T'inquiète, on va leur faire pleurer du sang. Ils ont les sous, on a les armes, mon ami. Sur le jarret, ma gueule, je suis à 200. Marseille, Transat, taxi. Calage, grenade, usine. Perquis, pas vu, pas pris. Couplé, fini, merci. Entre les plots, des rapaces sur la banquise, des femmes s'échappent de mes pros. Début on était plein, aujourd'hui on est moins. On a souffert sa grand-mère, mais la putain ce qu'on est beau. Là on n'est pas des pleins, là tu le sais le sang. KOF est ça par nous, y'a rien d'intéressant. T'as pris les femmes et le frein, vivait dans le comico. J'suis comme un boxeur manchot, j'veux récupérer mes points. Vous niquez, c'est mon genre, vas-y accélère. Le prix de ton moteur c'est 4 mesures d'une instru de corps. Chérie, j'suis sur The One, oui je garde mon calme. Te prends pas pour FBI, tu vas te faire du mal. Fais pas mal au crâne, tu ferais plus que les fans. Avec les drogues et les femmes, moi je suis jamais en panne. Un instant, redescends, je vois pas pourquoi tu chiales. T'as des photos de moi à l'hôtel, c'était mon monocrâne. Longtemps que tu traînes, t'as rien mis de côté. J'finis la bouteille, mais j'vais pas te rater. Tu m'as mis dans la merde, j'avais rien demandé. Chaque jour, j'suis en plein dedans. Trop, tu fais le voyou, tu vas finir par sauter. On n'oublie pas ce que tu dois, t'inquiète, on a noté. Si tu nous réponds pas, on s'en prend à ta beauté. Ok. Story. De Marseille à Paris. Oh, oh, oh.